C'était gentil, merci. Je vous aime bien. Vous nous prenez tous pour des cons, mais bon, je vous aime bien quand même. Ça n'a pas l'importance que vous soyez cons ou pas. Sans vous, on n'existerait pas. That's it.